Le mercredi 23 avril, le Victoria, appareillé à 4h du matin. Nous sommes en bon chemin, s'écria le docteur. Aujourd'hui ou jamais, nous verrons le Nil. Mes amis, voici que nous franchissons l'équateur. Nous entrons dans notre hémisphère. Ce lac, dit le docteur, est évidemment par sa position élevée le réservoir naturel des fleuves de la partie orientale de l'Afrique. Le ciel lui rend en pluie, ce qui l'enlève en vapeur à ses effluents. Il me paraît certain que le Nil doit y prendre sa source. Tout en manœuvrant son aérostat, le docteur Fergusson examinait le pays d'un regard avide. « Voyez ! S'écria-t-il. « Voyez, mes amis, les récits des Arabes étaient exacts. Ils parlaient d'un fleuve par lequel le lac Ukirouë se déchargeait vers le nord. Et ce fleuve existe, et nous le descendons. Il coule avec une rapidité comparable à notre propre vitesse. Et cette goutte d'eau qui s'enfuit sous nos pieds va certainement se confondre avec les flots de la Méditerranée. C'est le Nil. Voilà bien le Nil, répéta le docteur avec conviction. Mais, dit le chasseur, comment s'assurer de l'identité de cette rivière et de celle que les voyageurs du Nord ont reconnue? Nous aurons des preuves certaines, irrécusables, répondit Fergusson, si le vent nous favorise une heure encore. Le Victoria planait à une hauteur de 2500 pieds au-dessus du sol. Puis, il s'abaissa de plus de 2000 pieds. Le Victoria marcha bientôt en suivant le lit du fleuve et à 100 pieds à peine. Le bassin du fleuve s'élargissait, parsemé d'îles nombreuses. Et voici que le docteur Fergusson saisit soudain sa lunette et la braqua vers une île couchée au milieu du fleuve. « C'est l'île de Banga » ajouta-t-il. « C'est là que nous descendrons, s'il plaît à Dieu. » Échappant aux flèches et aux balles des indigènes, les voyageurs atterrissent sur l'île et peuvent voir deux lettres, A, D, gravées dans le roc par Andrea de Bono, le voyageur qui avait remonté le plus avant le cours du Nil. 10 minutes après, le Victoria s'enlevait majestueusement, pendant que le docteur Fergusson, en signe de succès, déployait le pavillon aux armes d'Angleterre.